Chant 19e. Magicien Simon, et vous tous misérables, qui des choses de Dieu, ces dons inviolables, promis à la vertu, faites cœur de vos tours, pour or et pour argent, un trafic adultère. Ma trompette pour vous va sonner sur la terre. Je vous ai vu damné au troisième contour. Déjà notre œil plongé au fond d'une autre tombe. Nous étions sur un point du rocher qui surplombe, le milieu de la fosse ouverte à nos regards. Ô Dieu, que ta sagesse est sublime et profonde, sur terre et dans le ciel et dans le mauvais monde, comme avec équité ta grâce fait des parts. Des trous étaient creusés dans la livide pierre, au fond sur les parois, sur la surface entière, tous de même largeur, tous également ronds. Ils me semblaient égaux leur circonférence, à ces bassins de marbre admirés à Florence, qui dans mon beau Saint-Jean servent au sacré fond, et dont j'ai brisé l'un pour sauver, qu'on le sache, l'enfant qui s'y noyait. Que d'une injuste tâche, par ce mot en passant, mon honneur soit vengé. Pendant à découvert, hors de chaque orifice, quelques damnés montraient le pied jusqu'à la cuisse, et le reste du corps au fond gisait plongé. Et tous ces pieds brûlés, lançant dans leur torture des coups si furieux qu'ils brisaient leurs jointures et qu'ils eussent rompu cordes et fer à la fois. De même un feu qui mord un corps enduit de graisse. À l'extrême surface, il s'élève et s'abaisse. La flamme allait, courait des talons jusqu'aux doigts. Quel est ce forcené, mon maître, qui s'agite, plus que ses compagnons dans sa fosse maudite, et que suce des feux plus ardents, plus vermeils. Virgile répondit, « Si la chose t'importe, sur ce bord-là, plus bas, veux-tu que je te porte ? Il te dira ses torts et ceux de ses pareils. Et moi, ton bon plaisir règle seul mon envie. Ma volonté demeure à la tienne asservie, ô maître, et mes pensées tu les devines tous. » Lors nous montons en haut de la côte prochaine, puis nous tournons à gauche et descendons sans peine, jusqu'au niveau du sol, partout semé de trous. Et pressé sur le sein du bon maître qui m'aime, j'arrivai dans ses bras, jusqu'à la fosse même où semble avec les pieds gémir le malheureux. Qui que tu sois, ô toi qui te tiens renversé, planté ainsi qu'un pâle, ombre triste et blessée, lui dis-je en commençant, parle-moi si tu peux. J'étais là comme un moine, au moment qu'il confesse, le brigand qui l'appelle et rappelle sans cesse, au bord du trou fatal, pour retarder la mort. « Est-ce toi, cria l'ombre, est-ce toi qui prends place, ici déjà debout, est-ce toi, Boniface? Sur toi de plusieurs ans m'a donc menti le sort, et tu rassasis sitôt de ces richesses qui t'ont fait sans remords surprendre les caresses de l'angélique épouse et profaner son lit. » À ces mots du pêcheur, je me sentis confondre, ne pouvant le comprendre, ignorant que répondre, et debout près de lui, je restai interdit. Virgile dit, réponds à l'âme criminelle, point ne suis qui t'y croit, et que ta bouche appelle. Et ce qu'il me dictait fut par moi répondu. La jambe du pêcheur se tordit convulsive, puis avec un soupir et d'une voix plaintive, il dit, « Que viens-tu faire alors? Que me veux-tu? Il faut que ton désir soit grand de me connaître, pour qu'au creux de ce val ton pied hardi pénètre. Sache-le donc, j'ai saint la tiare autrefois. Je fus, comme on l'a dit, je fus un fils de l'ours, et c'est pour les oursins que j'ai tout mis en bourse. Là-haut de l'or, ici mon corps, comme tu vois. » Là, sous ma tête, gît la foule réunie, de tous ceux qu'avant moi perdit leur simonie, dans ce gousset de pierre entassé jusqu'au bord. Je tomberai moi-même, au fond comme les autres. Quand viendra le pécheur qui doit être des nôtres? Et quand toi j'ai cru voir, quand j'ai parlé d'abord? Mes flambants pieds en l'air et tête dans le gouffre, depuis bien plus longtemps déjà je brûle et souffre, qu'il n'y sera planté pour de même y souffrir. car après lui viendra chargé de plus de crimes un pasteur d'Occident promis à ses abîmes, et qui doit à son tour tous les deux nous couvrir, semblable à ce Jason qui, de son roi barbare, au temps de Maccabée, acheta la tiare. Par le roi de la France, il sera protégé. Je ne sais si je fus de moi-même assez maître, mais je lui répondis. Ça, dis-moi, mauvais prêtre, quel argent, quel trésor avait donc exigé notre Seigneur Jésus, quand aux mains de Saint-Pierre il remit les deux clés au beau ciel de son Père? Certes, il ne lui dit rien que ce seul mot, suis-moi. Ont-ils appris d'argent vendu, Pierre et les autres, sa place à Matthias au milieu des apôtres, quand Judas l'eut perdu en trahissant sa foi? Pape, reste donc là, souffre un juste supplice, et garde bien ces torts acquis par l'injustice qui t'a rendu hardi contre Charles autrefois. Et n'était le respect qui près de toi m'enchaîne pour ces augustes clés que ta main souveraine tenait dans le doux monde à l'ombre de la croix. Ma voix serait encore plus rude et plus sévère. Car votre avidité fait le deuil de la terre, foulant aux pieds les bons, élevant les pervers. Saint Jean songeait à vous, quand parut à sa vue, impure courtisane, au lit des rois vendus, celle qui se tenait assise sur les mers, qui portait en naissance cette tête et 10 cornes, et devait y puiser une force sans bornes, avec un époux digne et comme elle innocent. L'or et l'argent, voilà les dieux que vous vous faites. Vous damnez les païens, ils sont ce que vous êtes. Que dis-je? Ils n'ont qu'un dieu, vous, vous en priez 100. Ah, Constantin, quel mot nous préparait d'avance, non ta conversion, mais ta munificence, qui dota le premier des papes opulents. Et comme sur ce ton je lui chantais ma gamme, soit l'effet du remords, soit de rage, l'infâme, gambillé et plus fort, tordait ses pieds brûlants. Virgile, à m'écouter, paraissait se complaire. Heureux, il souriait aux accents de colère, qui s'échappaient si vrais hors d'un cœur tout ardent. Il m'ouvre ses deux bras, sur son sein avec joie me presse, et promptement remonte par la voie que nous avions d'abord suivie en descendant. Et toujours me tenant, il arrive à la cime de l'arche qui s'étend au-dessus de l'abîme et va du 4e au 5e plateau. Là, doucement à terre, il dépose sa charge. Sur la roche escarpée et dont l'étroite marge aurait fait hésiter le pied sûr d'un chevreau. Et de là, je plongeais sur un gouffre nouveau.